I will be there. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show spécial Saint-Valentin. Des gros bisous à Jen, gros bisous Jen. Gros bisous. Des gros bisous à Tom, là je sais pas. Non, pas. T'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Non, mais Jen, elle a le droit de faire des gros bisous à Tom. Ah, je sais pas, si elle veut. Si le cœur lui en dit. Puis on attend d'autres Valentines, il y en a une qui devrait pas tarder à arriver normalement. À ce qui paraît. Alors nous, nous jouons les Valentins ce soir et les filles seront les Valentines. Donc on a commencé avec Scorpion, ça a emballé sec. Sauf qu'avec une nana, alors c'était dur, on s'est battu. Donc Tom, bah, il a un coquard. Et puis moi, j'ai une jambe qui flagelle. Donc ça va pas du tout. Tu t'es pris une matraque aussi. Et je me suis pris une matraque. Ouais, mais là, ça fait mal, ça saigne. Et donc, eh ben, on va essayer de vous faire une émission qui sera couplée avec la Saint-Valentin et en même temps avec la promotion de la 20e convention Rock and Metal de FIM qui aura lieu le 5, c'est ça, mon... le 5 mars. Hein. Le 5 mars, hein, toute la journée. Et on y sera avec une de nos Valentines de ce soir. Enfin, une de nos Valentines. Oh, elle vient d'arriver, super. Bonsoir Valentine. Ça va bien Valentine? Faut lui donner un micro, Valentine, hein, sinon on l'entend pas. Après, on va croire. Tu permets un petit peu. Attends qu'elle s'assoie. Après, on va croire qu'on blague. C'est pas vrai. Bonsoir, Valentine. Bonsoir. Voilà, et donc nous allons coupler cette émission donc avec quelques balades. Vous allez pouvoir emballer dès le début de l'émission. Et puis après, par contre, hein, on va vous passer des choses, on va vous faire gagner des places, tout ça. Donc restez bien à l'écoute surtout. Nous sommes le 16 février, donc c'est avec deux jours de retard que nous souhaitons la Saint-Valentin un métallique à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Eh bien qu'on a passé Scorpion tout à l'heure en ouverture d'émission avec le morceau, ma chère Jen, qui se nomme Still Loving You. Qu'est-ce que tu chantes bien? Tiré de quel album? Alors c'est tiré de Love at First Thing. C'est qui est sorti chez EMI en 1982. Hein, oui. Voilà, et c'était l'un des slows, comme on disait hors antenne, qui était resté pendant des semaines et des semaines et des semaines au top 50, et je crois que c'était l'un des premiers morceaux de metal, entre guillemets, qui était dans le top 50. Dans le top 50. Ouais. Après, bon, on a eu des Europe, on a eu avec toute la clique de Shiroki, Kari et Final Countdown. Hein. Et puis après, on a eu quelques autres groupes de metal, enfin, entre guillemets metal, parce qu'il y a eu Century, je sais pas si tu te rappelles de ce groupe-là, Century. Love, why, love, why. Non, ça me dit rien. Bon, bah, c'est parce que je chante mal. J'ai pas dû accrocher à l'époque. Ouais, peut-être. Ou c'était peut-être avant, je sais pas. En tout cas, voilà, il y avait ça. Et puis voilà. Et ce que vous entendez en fond sonore, ma chère Jen, qu'est-ce que c'est-il donc? Et qu'est-ce que c'est-il donc? Bah, c'est Firewind, voilà, qui seront en concert à Paris, au backstage, le 22 février. Voilà, nous, on va certainement y aller. On va y faire un petit tour au backstage. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec deux autres groupes, je crois. Et les Grecs viennent avec Monsieur Gus G, hein, qui est le guitariste de Ozzy Osbourne. Oui, mais qui était aussi, quoi qu'il arrive, leur guitariste. Ah oui, c'est toujours le guitariste de Firewind, hein, voilà. toujours. Oui, voilà, et donc, il fait partie du groupe depuis le début. Depuis le début. Bah, je crois que c'est même certainement le créateur du groupe. Sûrement, oui. Hein, sûrement. Ouais. Donc voilà, Firewind, c'est ce que vous entendez. Alors c'est du métal grec à l'allemande. Hein. Franchement, je m'y suis perdu au tout début. Aussi bien en regardant les pochettes qu'en écoutant la musique, j'avais l'impression que c'était un groupe allemand. Nous allons donc partir faire quelques petites balades. Bras dessus, bras dessous. Nous allons roucouler avec nos Valentins, nos Valentines. Avec Motorhead. Love Me Forever. Tout un programme. Notre cher Lemmy qui nous a quittés. Pour l'éternité, eh bien, nous allons l'aimer pour toujours, avec tiré de l'album 1916, qui n'est pas sorti en 1916, hein, qui est sorti, je sais plus quand, mais c'était sorti, j'ai pas tout marqué, mais voilà, c'est un très très bon album 1916, et dedans il y avait cette balade Love Me Forever, et je crois que c'était l'une des premières balades de Motorhead, si mes souvenirs sont bons. Nous enchaînerons ensuite avec ma chère Jen. Still Hurt. Un titre que tu nous as choisi. Complètement. She's Gone. C'est, ouais, je crois que c'est un des morceaux. Ça fait chialer, ça. Ça fait voilà, chialer. C'est le genre de truc quand t'es déprimé, que tu viens de te faire larguer. En fait, c'est plutôt He's Gone. He's Gone. Voilà. Mais ouais, non. Bah ouais. Donc, oui, j'ai choisi ça. Voilà. Voilà. Et, tiré de leur premier album. Ouais, Still Hurt. Un excellentissime album, d'ailleurs, qui est sorti en 1990. Ça, je le sais. Ouais, 90, mais eux se sont formés en 81 et ils viennent des États-Unis, on les présente plus, hein, voilà. Hein. Et c'était sorti chez MCA à l'époque, je crois que la maison 10 n'existe plus aujourd'hui. Et il me semble, d'après ce que j'avais cru lire, que le chanteur était décédé. Alors, info à tox. À vérifier, ouais. Nous enchaînons ensuite avec le titre de notre Valentine qui est là ce soir, hein, qui va nous en parler un petit peu. Pourquoi elle a choisi ce titre-là, notre petite... Elle veut pas parler, elle est timide. Oh, elle est timide. Alors pourquoi Sonata Arctica? Dis-nous, qu'est-ce qui t'a plu dans ce titre-là? Tiré du deuxième album en plus du groupe. Hein? Non mais parle dans le micro quand même, c'est mieux. Bonjour Valentine. Dans le micro. Fais comme si tu chantais sous ta douche, mais dans le micro. Tu chantes pas sous ta douche? C'est pas ce que m'ont dit les voisins. Ils se plaignent d'ailleurs. Alors, Sonata Arctica, le titre que t'as choisi c'est... Saloula. Comment? C'est de l'album Silence. Oui, c'est bien. Vas-y. Saloula. Bah, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Tu l'as pas trouvé. Non? Tu l'as toi? Bah non. T'as Loula toi? Bah non. Non, bon bah voilà. Donc t'as Loula, je pense que c'est un titre par contre. Alors je sais plus de quoi ça parlait. Je sais qu'à l'époque ils étaient très loups. Oui, voilà. Alors Sonata Arctica, moi j'appréciais à l'époque avant qu'on les fasse jouer et qu'il se passe ce qui s'est passé. Et j'appréciais parce que tout leur packaging, il y avait des loups dedans. Des loups dessus, ouais. Hein, à chaque fois. Et donc c'est leur deuxième album Silence, sorti chez NTS à l'époque, société, enfin label qui n'existe plus non plus, Nothing to Say, qui avait été créé. Est-ce que vous savez pourquoi Nothing to Say? Ça a été créé pour Angra, parce que Angra avait sorti un morceau après qui s'appelait Nothing to Say, et donc c'était la maison de disques de monsieur Olivier Garnier. C'est sorti en 2001, le groupe est finlandais, ils se sont formés en 1994. Voilà, et avec un excellentissime premier album qui s'appelait Replica. Oui, hein, oui, c'est vrai. Mais ouais, alors j'aimais bien, mais du coup, comme j'ai arrêté d'écouter du heavy. Bah oui. Mais bon, voilà, il était quand même bien cet album. Oui, hein. On va pas. Voilà, on va, malgré le fait que ce soit des gros connards, on va pas. Ah, je l'ai dit, merde, pardon. La Saint-Valentin. Mais on s'en branle, je suis célibataire, foutez-moi la paix, là, bordel. On est là, on va danser et tout. Non, alors moi j'ai une phrase culte, là, faut que je la sorte. C'est inutile d'être belle à l'intérieur si personne veut rentrer dedans. Voilà, c'est dit. Bonne Saint-Valentin à toutes les pas belles à l'intérieur. Voilà. C'était la phrase du jour de Jen. Elle est de retour. C'est cinglant. Allez, on vous laisse avec Motorhead, suivi de Steel Earth et Sonata Arctica. Vous pouvez inviter vos cavalières à danser et vous pouvez rouler des pelles. C'est parti. Back to She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can live without love. In my life, there's just an endless breeze. All my dreams are lost. I'm wasting away. Forgive me, girl. Lady, won't you save me? My heart belongs to you. Lady, can you forgive me for all I've done to you? Lady, oh lady. She's gone out of my life. Oh, she's gone. I find it so hard to go on. I really miss that girl, my love. Come back into my begging you, I'm down. sunsets far away, and how you said this is never over. I believed your every word, and I guess you did too. But now you're saying, hey, let's think this over. You take my hand and pull me next to you, so close to you. I have a feeling you don't have the words. I found one for you. Kiss your cheek, say bye and walk away. Don't look back, 'cause I am crying. I remember little things. Voilà, c'était notre petit quart d'heure américain. J'espère que vous avez bien recoulé avec votre Valentine et vos Valentins. Maintenant, nous retournons à un programme beaucoup plus couillu avec B-Nighted qui seront en concert, ma chère Jen. Tout à fait, au Petit Bain. Ils seront en concert le 23. 23 février. Oui. Oui, pour moi, ça paraît logique. Si je dis pas le mois, c'est que c'est le mois qui est en cours. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont tout seuls ou est-ce qu'on a... On a, bah, des... A priori, il y a deux autres groupes. T'as Swartkram et Wild. Très bien. Donc, j'espère que vous êtes bien reposés. Hein. C'est rare quand on passe des balades dans le Rock for Show. Et donc, on s'est dit, bah, on va en passer pas mal. Donc là, on va maintenant... Si, il y a 15 jours, on a passé pas mal de balades. Surtout le premier titre, je me rappelle, j'étais là chez Mia. 1910. Oh putain, c'est pas possible. On n'était pas dans le Rock for Show, c'était pas possible. C'est, non, bah si, c'est de mais on y était ça, quand ça, même. Ça arrive, c'est des choses, ça arrive. Hein, c'est comme les trains qui passent, qui partent, ça arrive aussi. Hein. Donc nous qui allons... partent, c'est une chose, mais qui partent à l'heure, c'en est une autre. Aussi. Nous allons redébriefer, donc nous avons écouté Lemmy Motorhead, hein, nous avons écouté Steel Heart et nous avons fini avec, avec... Sonata dans ta gueule. Non, Arctica, pas dans ta pardon. Gueule. Et vous entendez donc dans ta gueule, là c'est par contre B-Nighted. Là c'est vraiment voilà. Dans ta face. Hein. Et maintenant nous allons parler de la 20e convention Rock and Metal de FIM. Alors on vous rappelle un peu le principe, c'est-à-dire qu'il y a plein de stands, plein. Vous pouvez acheter des CD, des vinyles, des patchs, des badges, vous pouvez vous faire tatouer, vous pouvez acheter... qu'est-ce qu'il y a d'autre plein de choses. Des t-shirts. De choses. Oui, des t-shirts. En gros, c'est un peu comme au stand du PMF. C'est un peu ça, mais, en 50 fois plus grand. Quoi. Oui, oui, vachement plus grand. Ouais. C'est... Des stands, vous en avez, en veux-tu ? En voilà, donc. Et pendant que vous achetez, eh bien, toutes les demi-heures, vous avez un groupe qui joue. Ah, c'est intéressant quand même. Et donc, cette année, à l'affiche, en tête d'affiche, nous retrouvons Monsieur Mark Key. Non, pas Mark Key. Non, Mark Key, qui est le chanteur de Attentat Rock. Donc tout le monde connaît Mark Key, non? Personne? C'est super. Non. Je me sens vachement aidé ce soir. Bonjour Marc. Bonjour Marc. On va faire les présentations. Qui donc. Non, c'est Mark Key. Bah, Mark. Bah oui. Mais qui? Mais Mark. Mark Key. Ah, d'accord. Hein non mais la blague, ça va deux secondes. Hein. Voilà, ouais, qui voilà. Va sortir un nouvel album qui s'appelle Better Late Than Never. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Too Late. Alors c'est du... Ouais, c'est de la WR, c'est du RDFM. Marc a toujours sa voix puissante et chaleureuse. Pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui le connaissent, qui le connaissaient dans Attentat Rock, qui l'ont vu jouer au Paris Metal France Festival, puisqu'il a joué au Paris Metal France Festival, il a déjà joué à FIM aussi, bah à la convention, mais il avait joué, je crois c'était à la MJC, pour les Hard Rock Rendez-vous de FIM. Donc là, bah, en ce moment, il est en Espagne, aux îles Canaries, pour être plus précis, et il sort donc son premier album solo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, il a un quintet composé essentiellement de Canariens ou de Canaries. Hein, ils sont tous avec des plumes, sans plumes, excusez-moi, avec des poils. Ils sont espagnols, ils sont tous jaunes, ouais, ça doit être ça. Et ils nous font du hard FM de fort belle facture, avec une très belle pochette qui rappellera pas mal les années 80 quand même. Ça fait un M et un Q, Marquis, quoi. Voilà. Nous enchaînerons ensuite avec Dynasty, qui est un tribute band à... Kiss. Et ça tombe bien, parce que c'est à Saint-Valentin, donc on fait des bisous avec Kiss. Hein, n'est-ce pas, Valentine? Qui parle pas dans le micro. Et donc Dynasty, qui viennent avec les moon, avec les boots, avec les flammes, avec le sang, enfin tout ça, quoi. Ils sont maquillés, comme les vrais. Et ils vont vous interpréter ce soir Shout It Out Loud. Voilà. Et ça sera, je crois que c'est pas la première fois qu'ils viennent à FIM. Pareil, hein, ils sont venus au British Steel, je crois. Ils ont dû faire aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des tributes à FIM. Donc je pense qu'ils étaient déjà passés. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe que nous connaissons bien maintenant. Hein, puisque nous avons vu au Paris Metal France Festival il y a un mois. Tout à fait. Et le groupe s'appelle Lone Wolf. Et je crois que t'aimes bien ça, Lone Wolf. Ouais, j'aime bien. Puis je les aime bien eux aussi. C'est des bons gros alcooliques, bien comme il faut. On se marre bien. Non, non, c'est ça. Cool. On se marre bien. Ouais. On se marre bien avec eux. Ils nous viennent de Grenoble. Le groupe a sorti un album Cult of Steel en 2014. Et nous, on vous propose de découvrir Hordes of the Night tiré de cet album. C'est pas un groupe à la noix, quoi. c'est pas un groupe à la noix, même mais si un petit peu quand même. Ah bah, bah je trouve que ouais, sur scène, putain, ils envoient du pâté, du camembert et la totale quoi. Ah, bon, ça bah, c'est, de la, pas, c'est de la noix sec ça alors. Ça pue pas, mais qu'est-ce que c'est bon quoi. T'as non, même c'est... pas besoin de manger ça avec du pain, hein, c'est, non, ça non, passe non, tout seul. C'est une bonne tartine dans ta, un bon dans, pain, voilà, un bon c'est pain ça, dans voilà. ta tronche. Voilà. Ils nous tâtent ta gueule la tronche là. Et c'est vrai que Lone Wolf, ça a été aussi un grand moment du Paris Metal France Festival. Ils ont joué sur la grande scène. C'était le samedi et on a vraiment kiffé, grave. Et on est pressé de les revoir et je crois qu'on va rejouer avec eux, si je ne m'abuse, au mois de septembre. Je crois, dans un truc. Ah oui, dans un truc hein qui s'appelle. Qui est trop offerté. Faire-toi, faire-toi, ou je sais plus ah, quoi. Ah, le Faire-toi Festival. Ouais, il me semble hein, qu'ils doivent y venir, je sais plus, mais il me semble oui, que j'ai vu oui, ça. Oui, ils y sont, hein, tout à fait, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc surveillez bien, ça sera le 16 septembre. En fait, le Faire-toi Festival a beaucoup copié sur le PMFF, je suis désolé de le dire. Ils nous ont dit que c'était un hommage, puisqu'ils m'ont choisi comme parrain en plus du ah, festival. Bah, trop bien. Et ils nous ont dit c'est un hommage, on a pris tous les bons groupes du Paris Metal France Festival. Alors désolé pour ceux qui n'y seront pas, parce qu'il y en avait quand même 42 groupes. Hein, bah, ils donc... pouvaient pas tout prendre. Bah oui, et ils ont fait une sélection. Ils en font jeu 40 ou 42. Oui, mais pas que métal. Oui, ils font jeu beaucoup de voilà, pop rock aussi. Il y aura du pop rock, il y a 3 journées, je crois. Avec 40 groupes aussi. C'est pas samedi que 2 jours, samedi dimanche. C'est samedi dimanche Ouais, c'est samedi dimanche et dimanche, ça joue sur 2 scènes. Donc c'est 20 groupes par jour, ouais, à peu près, en moyenne. Très bien, donc on retrouvera les Lone Wolf en région parisienne. Et ensuite, nous vous diffuserons Drakkar qui a mis quand même le feu, quoi. Hein, ils ont ramé comme des malades pour arriver jusqu'à Paris, mais ils ont mis le feu avec leur album Once Upon a Time. Et ce soir, on vous propose en live le morceau Angel of Stone. Once Upon a Time est sorti en 2014, et là, il y a un nouvel album qui devrait sortir en 2017. Hein, ouais, donc surveillez bien les bacs. C'est un groupe belge, bien évidemment, mais avec tout ce que comportent les groupes belges, c'est-à-dire qu'ils aiment bien boire, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien chanter, drôle, ils aiment bien le heavy metal, ils sont dynamiques, ils sont partout, bienveillants, ils sont adorables. Adorables. Voilà, des amours, et on les embrasse, et ce sont de grands amis depuis maintenant quelques années. Et franchement, ils étaient venus aussi à Rennes. Ils avaient fait leur grand retour à Rennes. Et ils avaient joué sur la petite scène. Et je me rappelle que Lenny avait mis le feu. Il était habillé avec sa veste qu'il arrive difficilement à faire. Mais aujourd'hui, hein, monsieur Lenny, il va falloir un petit peu arrêter la bibinouse. Hein. Et il était descendu carrément dans la fosse à photographe. Et il avait été harangué la foule et tout. C'était majestueux. Voilà. Donc on va vous laisser avec les 4 premiers groupes de ce. Non, les 3 premiers groupes, non, excusez-moi. Non, les 4. Oui, oui, oui. Il y en a 4. Il y a Marc. Oui, Marc qui voilà. Oui, mais ça fait bizarre, Marc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est Marc. C'est comme le dîner de con, quoi. Dynasty, Lone Wolf et Drakkar. Voilà, et on vous donnera les petits renseignements sur la 20e convention de film tout à l'heure, au retour au micro. Et allez, si vous voulez envoyer du message d'amour à Phil 06 80 01 ah, 28 34, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bon, tu l'envoies ta musique ? I see the light of tomorrow burning up inside my mind. Don't feel no pain and no sorrow. As I'm slowly going blind. No need Angels of Stone! Studio, vous êtes bien à l'écoute du Rock for Show spécial Saint-Valentin et 20e convention Rock and Metal de FIM dans la Marne 51 et on va tout vous donner les détails, c'est Tom qui va s'en charger mais pour l'instant on va vous débriefer déjà ce que l'on a entendu. Donc on a commencé avec Marquis, on a continué avec Dynasty et on a fini avec Lone Wolf et avec Draka. Merci bien ma chère Jen. Et ce que vous entendez en fond sonore, Creator, yeah, des Allemands. Oh oui, ils sont gentils ceux-là. Creator qui sera en concert avec Sepultura, avec Soulwork et avec Aborted, et ce sera au Bataclan. 26 février. Exactement, 26 février, donc dans la semaine prochaine, dans 10 jours quoi. C'est ça. Hein, dans 10 jours. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre ? Eh bien, on va vous donner les renseignements sur la 20e convention, mon cher Tom. Je suis pas là, je suis parti. Alors, le prix, le tarif déjà, c'est combien ? C'est 100 balles, un mars, non, et puis non, le reste. C'est presque ça. C'est presque 100 balles et un mars. Une pipe, 100 balles et un mars. Ah, j'aimerais bien pour la pipe, le reste, je te le laisse. Le mars, je te le laisse. Alors, non, c'est 5 euros. C'est dégueu. C'est 5 euros. Chocolat. Oui, bah, une pipe au Mars, ça peut être sympa aussi. Hein. Ou une pipe sur Mars. Bah, tu me dis que tu me laisses le Mars. Ouais, mais une pipe sur moi, Mars, ça peut être sympa. Tu fais une pipe aussi. Ça va fondre. Tu vas avoir la bouche pleine de chocolat. Tout le monde va vouloir te lécher. Hein, fais gaffe. Hein. Trêve de plaisanterie, les amis. Là. C'est les pas, enfants, c'est les pas comme si t'aimais pas ça, le chocolat. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Alors, prix d'entrée. Tu tiens dans le micro aujourd'hui, toi. Bah, oui, parce que 5 euros. 5 euros, c'est donné, c'est quasiment, c'est même pas un droit, enfin, comment on appelle ça, un participation aux frais, on appelle ça. 5 euros, donc l'entrée, ça dure de 10h du matin à 20h des brouettes, vous avez 10 groupes qui viennent jouer, et vous avez tout un tas d'exposants qui viennent vous vendre des monts et merveilles. Tout à l'heure, tu disais ça joue toutes les demi-heures, c'est-à-dire tu as une demi-heure de pause entre chaque groupe ou... Non, tu dois avoir le temps qui change, qui passe la balle. Tu dois faire un quart d'heure, 20 minutes. Quoi, entre le temps d'aller groupe. Voir sur les merch. C'est ça, c'est fait exprès pour que tu puisses aller voir sur les stands de merch. Donc voilà, vous allez retrouver toujours les stands Underground Investigation, puisque c'est eux qui organisent. Avec leur magnifique fanzine qu'ils ont, qui est toujours très très très fournie. Et il y a aussi une buvette. Et la buvette, elle est vraiment pas chère du tout, parce que je crois que les consommations commencent à 1€ ou 1,50€. Ouais, c'est de l'associatif. Voilà. Et vous avez aussi les sandwichs, les hamburgers, les croque-monsieur, les croque-madame, comment on appelle ça, les hot dogs. Vous avez aussi des sandwichs. Et le tout, je crois, qui est à moins de 2€. Donc, prennent les tickets resto ou pas? Le bar d'à côté, oui. Le bar d'à côté les prend. Hein. Donc vous avez des croque-monsieur, je crois, à 1€ chaque année. Moi, je prends des croque-monsieur. Il y a aussi des croque-monsieur végétariens, je pense. Voilà. Donc, non, mais c'est vraiment super. Parce que c'est une ambiance assez chaleureuse. T'étais déjà venu, toi, Pascaline, hein? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance dans un micro? Elle veut pas parler dans le micro. Vous ne saurez rien. Voilà. Elle a dit, ce soir, je ne dirai rien comme les autres soirs. Je ne veux pas. Je suis timide. Je suis sûr qu'elle a, pour elle, déjà trop parlé. Mais déjà, tu sais, après deux petits verres de vin, normalement, ça devrait aller mieux. Elle va nous raconter des blagues paillardes. Elle va nous chanter des chansons. Elle va faire tourner les serviettes, et pas que les serviettes, attention. Hein. Voilà, bon, bah tant pis, nous n'aurons pas le débriefing de la dernière convention, la 19e de FIM, puisqu'elle y était avec moi et avec Olivier. Voilà, c'était bien sympa. Et il y a un très bon restaurant dans la ville de FIM. Tiens, qui ça fait nous hôtel. Aurait étonné. Ah oui, non mais attends, partout où on va, on les cherche aussi. Il y a, où ça mange bien. Il y a un japonais ? Non, c'est pas un japonais, c'est plutôt traditionnel, mais pas très cher et pas mauvais du tout. Et en plus, le patron est sympa. En même temps, c'est la campagne, donc déjà les tarifs sont moins. Le patron et sa petite femme sont sympas d'ailleurs. Hein. La campagne, c'est FIM, hein. C'est quand même une ville. Hein. C'est pas la région parisienne. C'est clair, mais il y a la Champagne juste à côté. Hein. C'est d'ailleurs en Champagne-Ardenne. De toute façon, on boit que champagne là-bas. Oui, tout, tu fais tout ton repas au champagne. Bon, buvez avec modération, mais quand il est pas là, c'est bien aussi parce que ça vous en fait plus dans le verre. Et puis buvez avec des amis. C'est entre Paris, entre Soissons et Reims, pour te dire. C'est 150 km de Paris. Voilà, donc 1h30 à peu près hein, de Paris. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez découvrir des groupes, mais et aussi voir des groupes confirmés comme Lone Wolf, Drakkar. Comme on vous l'a dit tout à l'heure. Gang, Torgun. Bah attends, Gang, on va en parler d'ailleurs. Voilà, donc c'est quelque chose de vraiment très sympathique. C'est très bien organisé. C'est dans la MJC de FIM. Il y a un grand parking. La MJC juste en face. Oui, c'est ça. Non, la salle des fêtes. La salle des fêtes. Oui, c'est la salle des fêtes. C'est pas la MJC, c'est la salle des fêtes. La MJC, je pense que c'est plus petit. C'est plus petit, c'est ça. Là, c'est la salle des fêtes. C'est très très grand. Et vous avez un parking, vous avez des barges autour, si vous voulez pas. Il y a une piste de danse. Oui, puisqu'il y a une piste juste entre les stands et la scène pour pouvoir admirer les groupes. Non, mais une vraie piste de danse avec le parquet. Ah bah tu peux danser si tu veux. Non, c'est du carrelage qu'il y a par terre. C'était un peu dur pour l'acoustique d'ailleurs, à sonoriser, mais c'est du carrelage. Voilà, vous pouvez amener vos appareils photo, vos caméras, enfin tout ça, c'est autorisé pour pouvoir filmer et avoir un souvenir des groupes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Bah allez-y, surtout venez nous voir, venez discuter. En plus, vous pouvez discuter avec tous les groupes, donc ça c'est sympa. Et il y a même aussi des groupes qui ne jouent pas, qui sont là, alors ça c'est encore mieux. Il n'est pas rare de rencontrer quelques groupes qui ont joué au Paris Metal France Festival, par exemple. Encore ? Pas encore. Bah, en fait, le PMFS, c'était la dernière là, et on va en entendre parler tout le temps encore. Bah, sachez que dans le dernier Rockhard Magazine, en page centrale, vous avez 6 pages sur le Paris Metal France Festival. Bah, c'est quand même qu'on est considéré comme étant un... On est important, quoi, aujourd'hui, je pense. Non, tu crois pas ? T'apportes quelque chose. Bah, du moins, le Paris Metal... Ouais, bien, crache-le par terre, on va le trier. Et dis... Non, disons qu'on a... Voilà, on est très fiers et très contents d'avoir fait cette belle dernière édition avant la prochaine. Peut-être. Alors moi je tiens à dire que le film Marc Dorcel dans lequel j'ai tourné vient de passer sur Canal+ et il est en replay. Voilà. Le film Marc Dorcel dans lequel t'as tourné. Rien à voir. D'accord, et c'est bien. Voilà. Il est en replay. Il s'appelle comment ? Non, mais vas-y, dis-nous. L'héritière. L'héritière. Ouais. Ah, ça c'est bien. J'ai eu des messages privés sur mon Facebook en mode "Eh, hey, pas mal la prestation scénique." Je me dis, de quoi tu parles ? Je suis pas passé à la télé. Si, si, sur Canal, le premier samedi du mois. Bon bah voilà, vous avez vu Jen à la télé. Ah, voilà. C'est bien, bien. Voilà, mais moi j'ai pas vu. Elle y était pas, elle a pas vu. J'étais dans le sur le tournage, mais je n'ai pas vu. Mais t'as pas vu. Non. Bon. J'ai pas vu. Bon bah on te racontera. Ouais. On dirait. Nous allons passer à la suite de la programmation de cette 20e convention rock and metal de film avec les organisateurs qui ne sont autres que le groupe Gang qui nous ont envoyé un petit morceau live tiré de leur album Live is All, un petit peu comme Love is All, hein, c'était pour ce soir Love is All pour la Saint-Valentin bien entendu, là c'est Live is All et c'est Believer Betrayer enregistré en live bien évidemment. Sur le label Underground Investigation, le groupe vient de film, comme on vous l'a dit. Ils se sont formés en 1990, c'est un quintet et ils nous font du heavy metal. Nous enchaînerons ensuite avec... Atristos, avec le titre Nazi Zombie, tiré de l'album The Fucking War. C'est une autoprod sortie en 2016, ils nous viennent d'Amiens. C'est un quintet qui s'est formé en 2015, donc c'est un groupe qui est tout jeune. C'est du death metal... Et voilà, et ils seront à pied. Et ils nous viennent de Damien, ouais, à côté de... Non, pas très de loin. Damien. Damien, la malédiction. Amiens. Amiens. Amiens, garde Amiens, 4 minutes d'arrêt. Attention, nous allons refermer les portes, attention. C'est parti. Voilà, donc, Atristos. Et nous continuerons avec un autre groupe qui s'appelle Father Marine. Tiré de leur album... All is well that ends in hell. Ils auraient pu trouver encore plus compliqué, ça aurait été plus long, sympa. Plus long surtout, aussi. Ils auraient dû rajouter des mots. Bah déjà, le morceau, je crois qu'il dure très longtemps aussi. Le morceau s'appelle Albigensian Crusade. Putain, faut que je prenne mon accent anglais. Crusade, c'est une autoproduction de 2014. Ils nous viennent de Lorraine, les messieurs. Et ils nous font... c'est un trio. Qui fait du doom metal. Alors là, vous en prenez à peu près pour 3 heures. Hein. Ça, à peu près, mon cher Tom, ça fait 8 minutes et des brouettes. 6 minutes 40. Oh là là là là là. Donc voilà, c'est du doom metal. Et nous finirons avec... Last Prophecy avec le titre Rest in Peace, qui est pas très gai d'ailleurs pour la Saint-Valentin. Pensez à moi qui vais me... Bon, je sais pas, j'ai pas encore... Ouais, mais regarde la destination. Regarde, on t'offre une destination de choix. Alors, destination inconnue, n'est-ce pas? C'est le titre de l'album, Destination Unknown. C'est une autoprod sortie en 2005. C'est un quatuor de heavy metal formé en 1992. Et voilà, nous avons tout dit sur les... Donc on vous laisse, on va bouffer notre putain de raclette là, entre célibataires, et puis on vous dit à bientôt. Non, pas à bientôt, on vous dit à tout à l'heure, dans un quart d'heure quoi, à peu près. C'est pas fini. C'est pas fini, on revient. Et puis surtout à la fin, gardez bien votre copine ou votre copain à côté de vous, parce qu'on va vous rebalancer des slows. Et oui, ouais, oui, c'est oui, comme oui, ça. Oui, oui, oui, oui. Non mais attends, on n'a rien fait encore, pourquoi tu dis oui? Attends, il y a le micro. Allez, musique, c'est parti. Non, il y a des choses à dire avant. Ah bon, il y a quoi? Bah, le numéro de téléphone pour t'appeler, pour envoyer message d'amour. Alors, envoyez des petits cœurs au 06. Non, si tu veux savoir si demain tu rencontreras l'âme sœur, envoie un petit cœur au 06 81 01 28 34. Au 06 81 01 28 34. We're a gang, we're coming from France. We're really happy to be with you tonight. This one is from a previous album, fine. She's called Believer. Betrayal. Yeah. De retour dans les studios du Rock for Show avec Jen, Tom et Valentine. Et puis Phil, pour vous servir. Je suis pas là, je suis parti avec Valentine. C'est vrai. Ah bah allez donc. C'est ça les bruits qu'on entend. Faites pas de cochonceté, hein, s'il vous plaît. Non mais oh. Hein. Bien, parce qu'il retourne. Après, ça va être un terrain client, n'importe quoi, un terrain glissant. Hein. Vous écoutez Evenline, tiré de leur dernier album, tout dernier album, et ils seront en release party le 24 février. Ils seront pas tout seuls, ils seront au backstage, donc c'est le O'Sullivan backstage from the mill. Et ils seront avec Magoa, avec Conscience, encore un groupe du Paris Metal France Festival, et avec Harmonic Generator. Et nous on y sera aussi, parce qu'on va les soutenir tous ces groupes français, et donc on sera avec eux. On va vous passer la suite de la programmation de la 20e convention Rock and Metal de film. Et on va finir... ça, on finit déjà ? On en est déjà à la fin ? Oui. Mais non. Si, on en est déjà à la fin de l'affiche de film. Ah oui, de l'affiche de film. Ah oui. Non, non, ah oui, bah, y a que 10 groupes, hein, chouchou. Non, il lui reste une demi-heure d'émission. Voilà. Oui. Mais oui, il y a que 10 groupes. Hein, voilà, c'est ça. Bah, voilà. Donc, nous allons continuer avec Spirit. Spirit qui nous sort un nouvel album qui s'appelle Ni Dieu Ni Maître. Bah, hein. Donc je pense que ça sort chez Brennus parce que je n'ai pas eu l'information, mais étant donné que les précédents albums étaient chez Brennus, je pense que ça sort chez Brennus. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est Jen qui en parle le mieux. Comment t'es un enfoiré. Ah bah bravo, hein. Oui mais je t'aime. T'as de la chance que ce soit réciproque, hein. Alors, allez, avec ton plus bel accent. Nueva Malicia. Nueva. Nueva. Donc Nueva Malicia. Donc je pense que c'est le nouveau malaise. Malicia. Malicia. Bah j'en sais rien, je parle pas un mot espagnol. Tu pourrais parler espagnol quand même. Italien. Non, je parle allemand, anglais, c'est déjà pas mal. Et ben ils vont tous nous appeler au 06 81 01 28 34 pour voilà. Nous dire ce que ça veut dire. Exactement. Hein. Donc l'album est sorti le 6 novembre 2016, précise. Ouais, tout à fait. Et le groupe nous vient de Saint-Omer, ils nous font du heavy metal, enfin heavy rock metal, et ils se sont formés en 1997. Voilà. Donc ça c'est une nouveauté quand même, hein. Et nous enchaînerons encore avec une autre nouveauté, puisqu'il s'agit de Torgen. Donc le titre qu'on va vous passer c'est La Bête. Ah t'arrives à le dire ça sans accent, rien, hey, super. La Bête. Beau, c'était grand. Ils nous viennent de Lens. Ils sont pas rapides donc. Non. Alors ça s'écrit, attention, ça s'écrit comme fan. Et comme pan. Et comme pan. Mais c'est lent. Voilà. Ça se prononce lent. D'accord, donc c'est La Bête. Laon, ils viennent de Laon. De Laon, donc tiré de leur tout dernier album qui va sortir normalement, je crois, il me semble, sur un label. Voilà. C'est un sextape de heavy mélodique qui a été. Et non formé. Pas une sextape. Alors non. En fait, je me suis planté. Spirit, c'est sorti chez Emanes Metal Music. Ah, voilà. C'est là où je me trompe. Spirit est sorti chez Emanes Metal Music et Torgen chez Brennus. Voilà. Okay. Hein. Et donc ils font du heavy metal mélodique un petit peu teinté de ouais celtique un petit peu. Il y a un peu de flûte, il y a un peu de trucs comme ça. Et le groupe s'est formé en 1998. Voilà, je pense que c'est bon. On aura passé les 10 groupes du film, la 20e convention. Et rock. Préparez-vous pour l'autre session de slow. Oui, après, ça, on va revenir. On met du rose pour l'occasion. Ouais, on va pouvoir réemballer. Hein, on va pouvoir faire des. On va emballer le fromage, ouais. Des cours de langue. Hein, on va pouvoir faire des cours de langue. Puis on va pouvoir manger aussi, ça, c'est pas faux. Hein. Allez, on envoie la musique, mon cher Tam, et puis on se retrouve tout de suite après. Musique. We'll be right back. caisse. J'ai gravé ton nom sur ma liste. Petit à petit, je ronge ta vie. Tu sais bien que tout est fini. Tu te croyais invincible. Aujourd'hui tu es ma cible. Au fond de ta tête, au fond de ton corps, au fond de ton être, tu te croyais fort. Mais je suis la bête, je rôde en silence. Et si tu m'arrêtes, tu auras de la chance. De retour dans les studios avec un groupe du Paris Metal France Festival, c'est dingue ça. C'est Frantic Machine, qui a vraiment un très bon article dans le dernier Rock Hard d'ailleurs, et qui a eu. Il y en a qui ont de la chance. Hein. Ouais, et je crois qu'ils ont eu un article pendant trois, enfin la chronique de l'album, un article, une interview, puis là ils ont la chronique du concert, donc ça va. Frantic Machine qui seront en concert si vous n'allez pas à Fismes, dans la ville de Fismes, dans le 51, à 150 km de Paris, c'est-à-dire à 1h30 de Paris en voiture. Entre Soissons et Reims. Entre Soissons et Reims. On peut pas être plus précis. Euros. Ouais, pour 5 euros. Ah. Avec des croques madame à 1 euro. À 1 Alors, euro. Non, mais il faut compter. Moi, sera... Vous oubliez qu'il faut compter les billets de train, qu'il faut compter. Non, ils y vont en voiturage. Covoiturage. Compter le déplacement. Covoiturage, 150 km, c'est 10 euros, c'est 7 euros. Nous on y va en covoiturage, nous, tu vois. Ouais. Nous on fait du covoiturage. Mais parce que on veut préserver la planète. Tu comprends ça? Et puis hein, c'est quoi? Et en plus dans une voiture hybride voiture. C'est ça, c'est que j'ai même pas 5 euros, ni 7 euros, ni tout ce que c'est. Pas grave, on fera la manche pour toi. Ouais, on traversera la manche pour toi. Je te prêterai ma canne. Je te prêterai ma canne. Mes lunettes noires et tout, et tu te mets devant l'église. Je fais du stop. Ouais, non, tu te mets devant l'église. On fera le shuttle pour toi. Allez, Frantic Machine, donc ils seront en concert à Paris. Et ce sera au Candy Shop. Alors, on n'a pas trouvé l'adresse. Si, tu l'as. C'est 127 rue Saint-Maur, dans le 11e arrondissement. Il y a un truc par là. Ouais, 127 c'est rue Saint-Maur. C'est le Candy Shop. C'est, a priori, c'est un live club qui fait aussi bar, resto. C'est un truc avec des lumières rouges. J'en sais rien, j'ai pas regardé, mais la photo Google Maps ne donne pas envie d'y aller pour l'instant. Très bien. Bon. Et bien, puisque c'est ça, et puisque nous avions commencé l'émission avec la Saint-Valentin, hein, mais métal, bien sûr, et bien nous allons la continuer avec la Saint-Valentin, métal, bien sûr. Tu la tiens par la main ? Ouais, et vivement la Sainte-Marguerite, hein, moi je te le dis. Donc nous allons continuer avec un grand classique des slow metal de notre époque, ma chère Jen, oui. Puisqu'il s'agit de Skid Row. Exactement, tiré de l'album Alors, c'est pas You've Gone Wild, je me suis planté, mais ouais. Les gens l'ont appelé You've Gone Wild l'album, alors qu'il s'appelle Skid Row tout court. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était le premier album du groupe. Et c'est 18. Exactement. Il est sorti en 1989 chez WEA. Le groupe est américain. Ils se sont formés en 86 et ils nous font du hard rock. Enfin, ils nous faisaient du hard rock, de fort belles factures. D'ailleurs, sur cet album, il y avait un autre slow qui s'appelait Remember Me ou Remember oui. You. Oui. Non, c'est. Enfin, lui, c'est Remember Me ou Remember You. Mais il y a Remember dedans. Mais dedans, il y a Remember. Ouais. Donc, Remember quelque chose. Hein, 06 81 01 28 34 si vous voulez nous dire. Envoyez des tickets. Voilà, et nous enchaînerons ensuite avec un titre que Charline avait prévu, puisqu'elle devait être là ce soir, et elle nous a fait faux mot. Donc c'est un titre de In Extremo, vous savez, les penchants pour In Extremo de la part de Charline. Et elle nous a choisi Alte Liebe, qui veut dire vieil amour. Ouais, en fait, hein, ancien amour. Ancien amour. C'est sorti chez Universal en 2007. Le groupe est allemand, bien évidemment, et ils nous font du folk metal. Et ils se sont formés en 1980. 95. Nous enchaînons ensuite avec un titre que tu nous as choisi, ma chère Jen. Complètement. Alors, à la base, quand tu m'as demandé donne-moi des titres de balade, je me suis dit, est-ce que je fais ma féministe et je ne choisis que des titres de groupes de nanas, genre Vixen, The Killer. Bah, d'ailleurs, je crois que je te l'ai noté celui-là. Ah ouais, je voulais choisir un truc de Femme Fatale. Enfin, tu vois, vraiment les groupes un peu couillus. Et puis, il y a cette chanson de Hurt que j'adore, mais vraiment, mais voilà, c'est un gros coup de cœur. Elle a une voix fantastique, bref. Et du coup, j'ai choisi celle-ci. Donc, c'est tiré de l'album de Bad Animals. Et le titre, c'est Alone. Voilà, sorti en 1987 chez EMI. Bien évidemment, le groupe est américain, ils se sont formés en 1970 et ils nous font du hard FM. Ça fait péjoratif de dire elle hard nous faisait. FM. Ouais, elle nous faisait. Ça fait péjoratif de dire hard FM, moi je dirais plutôt du rock. Ils nous faisaient du bon rock couillu. C'est du bon rock couillu, hein. Ouais. Plus. Et il y avait des balades. Ça reste du hard. Ah oui, ça restait hard rock. Ouais, ça reste hard rock, voilà. Et donc on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours, puisque la semaine prochaine sera une rediffusion d'une émission, puisqu'on prend des vacances, on a décidé comme ça en 2017 de prendre un petit peu de bon temps. Et donc la semaine prochaine, une émission rediffusée, on ne sait pas encore laquelle. Et on se retrouve donc dans 15 jours avec... vous verrez. Voilà, c'est pas mal. Nous aussi on ne sait pas encore en fait. Allez, on vous laisse embrasser vos cavalières et vos cavaliers, c'est la Saint-Valentin, enfin pour nous c'était la Saint-Valentin, bien que c'était mardi, et bien nous c'était jeudi ce soir. Et c'était rock. C'était fort. C'était chaud, encore plus que d'habitude. C'était le Rock Pas Show. Chaud. Bye bye, à la semaine prochaine. Musique. Life you got it. den Schmerz hab es dir, hab es dir entrissen. Und ich weiß, du wirst es sehr vermissen. Alte Liebe, alte Liebe. Oh! gonna tell you tonight. But the secret is still my own.